Quand même, moi c'est plus fort que moi, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse redonner de la force. Écoute, Cardus, on ne va pas se boire les sangs qu'avec cette histoire de fixation du prix du vin par le contrôle fédéral. Boire les sangs, que c'est vite tout dit, mais... Écoute, on a causé que de ça toute la semaine. On a tout dit et redit jusque dans les détails. Si on n'arrive pas à se faire comprendre, c'est qu'on ne parle pas la même langue qu'eux. On verra voir, puis ça toujours faire la vie faite. Mais non, du sang! Yes! Je mobilise la garde locale, compris? Attention! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous mangé au Nouvel An, ces gaillards-là? Si même les syndicats vont pas s'en mêler, mais ça veut donner du choix de lit. Il ne s'agit pas d'autorité, voyons. Et de quoi alors? Tu sais bien que chez nous, un homme qui a de l'autorité ne hausse jamais la voix. C'est bon pour les femmes de faire du bruit en commandant. Moi, je me dis tout simplement que le samedi soir, on lâche le collier pour une demi-heure. On se réunit pour causer de choses agréables ou quoi? On ne dit pas non, mais... Vous... Alors, on ne va pas se gâter le tempérament avec le contrôle. Il s'agit de se conserver la bouche propre pour que le vin soit bon. Ah, impeccable. Et bonne humeur, hein? Parfait. Ben, comme ça. Dans sa classe, il y avait un roman de cabine. Tu t'en vas déjà? Oui. Une pendule à manger. Les François Rossi à m'enseigner. Comment? Non, écoute, je voudrais bien rester. Mais une condition, c'est que je n'entende plus parler de cette singerie. Oui ou non? Tiens. Bon, attends. Est-ce que oui ou est-ce que non? T'embrille d'une lame, ce syndic, il ne me laissera pas placer un mot. Non, mais si tu y tiens, moi... Ouais, attends, là, je suis bien obligé. Voilà. Alors, Teresa, viens-t-il ou ne viens-t-il pas? Probable qu'il sera encore au régime. Voilà. Teresa, ce n'est pas encore rentré, ce qui fait qu'il y a sûrement sursis. Toi, je l'ai rencontré ce matin, ma foi, il m'a l'air depuis le mauvais coton. Maigre comme un sang de clou. Oh, pour une jambe qui est un grafouilleur. Non, mais maintenant, c'est tout juste si on n'y voit pas à travers. Et justement, voilà. Oh, il y a ta raison. Il a l'air bien amoindri. Oui. Bonsoir, Réjean. Bonsoir, monsieur le Réjean. Bonsoir, messieurs. Mon Dieu, que ça fait plaisir de vous voir. Ah, là, oui, à moi aussi. Tenez, asseyez-vous là. Là, comme avant, je m'y retourne. Eh ben, moi, je trouve que ce café a repris bonne façon. Ma foi, oui. Ces derniers samedis, c'était comme s'il manquait un meuble. Oui. Seulement, le meuble a de la nuit. Et il est qui, ça? Et moi, parbleu. Vous? Vous faites des idées. Justement, je demandais au cabiste, tant qu'il a revu ce matin, as-tu changé? Pas plus qu'il me répondait. Je venais là comme aux autres en nomination. Même le syndic ne voulait pas me croire. Eh ben, tu vois, hein? Bien sûr. Je me disais, un qui a été tripoté par les docteurs pendant la paire de jours, ben c'est rare qu'il ne s'en ressente pas un peu. Eh non, ma foi, vous avez le confort solide à ce qu'on voit. Je suis content de vous entendre. Et je sais bien que vous exagérez pour me faire plaisir. Ah, mais en fait, tout de même, c'est ça. Alors, dépêchez-vous de faire que Voyez-vous que votre premier verre sent très chaud et que ça vous en dégoûte. Ça serait dommage. À votre bonne santé, monsieur. Et à la vôtre, surtout. Ça vous connaît, plus toute Suzanne. Chaud, pas chaud. Ça fait même pas bien plaisir de les retrouver. Ah, parce que dans cette clinique, on ne vous en donnait pas du comme ça, quoi. Non, dans cette clinique, vraiment pas. Ouais. Il était un peu moindre. Je pense que c'en était de cette sorte que le contrôle des prix tant que ça sortit de main au lait. Caviste, tu n'es pas un homme. Pas un homme, non? Non. Tu frouilles comme un gamin. Ça ne fait pas 3 minutes que tu nous as juré de ne plus en parler ce soir. Et de quoi est-il interdit de parler ce soir? Et de cette sacrée fixation des prix du vin par le contrôle fédéral. Ah oui, je vois. Et au fond? Et si important que ça? Si important que ça? Non, mais alors, celle-là, c'est la plus forte de toutes. Mais je te vous parie que ces gaillards se sont donné le mot. Si important que ça? Quand on vient vous fixer des prix? Ah, mais depuis qu'à vie, je te passe par la fenêtre. Puis ça l'ouvrir encore, je t'en garantis. Mais messieurs... C'est moi qui ne vous reconnais plus. Ah, cette poison de caviste, voyez-vous, il cherche maintenant. Avec deux poids énervants de cette sorte dans une commune, faut ouvrir un poste de pompier permanent, comme à Lausanne. Ouais. C'est moi, Gérard. Quand vous mettez un gamin au coin parce qu'il a copié, est-ce qu'il ne fait pas un peu cette faute-là? Non. Ma foi. Il y a quelque chose à dire, exactement. Ouais, compris. À 2 contre 1, je suis battu au battu, je me tais. Ouais, la pire méthode bonne. Allez, voyons. Je sens que le régent nous revient. Toi qui le pleurais tant, c'est jour passé. Non, mais alors, régent, surveillez vos raisons. Parce que sur ce point-là, il ne faut pas tant me gratter, il faut que ça me cuise. Même si c'est vous. Alors, mon remplaçant m'a dit qu'il avait eu le plaisir de passer le samedi soir en votre compagnie. Non, oui, on te l'a mis sur la forme tout de suite. Sympathique, hein? Oui, ma foi, joli garçon et tout. Il paraît que l'épicerie a doublé son chiffre pendant les 6 semaines qu'il était là. Ah oui? Et il est gros mangeur? Allez! Mais c'est les jeunes filles du village qui allaient des 3 fois par gros magasin, histoire de passer devant le collège. Heureusement qu'il y a ses cartes de ration de mars, enfin le village aurait été ruiné en rien de ça. En attendant, j'en connais 2 ou 3 qui ont renouvelé leur attifement pour au moins 2 ans. Il y a la fille au tiolu qui se traîne par le village avec une de ses écharpes rouges. Toi, pourquoi c'est? On fait joli, pardonnez-moi. C'est à nouer ça dans ses cheveux en copiant ses dames qu'on voit pas leur âme. Oui, oui, comme on envoyait dans le cerf aux Bédouins ou aux Zouaves. Des chéchias qu'on a s'appelé. Oh, c'est-tu coquet, ce chéchias, c'est la fille au tiolu. Oui, ma foi, surtout que ça lui va, cette grande séchant, comme une armoire à glace dans un pressoir. C'était le moment qui s'en arrive, ce jeunesse, hein, ça, elle te l'aurait marré vif. Surtout que ces petits oeufs se sont défendus. C'est vrai, ça. Quand on voit du dehors, on se demande des fois comment certains mariages ont pu se faire. Passez voir au grand Jules du Portet. Un homme qui est bonasse, qu'on lui mangerait des miettes de pain dans la main. Puis le voilà qui s'est encouplé de la plus grande serpe qu'on ait dans le district. Justement, parce qu'il est en bonne part. Bien sûr. Mais je t'en comprenais mieux quand je voyais le petit régent tout perdu dans ses manigances. Et la plus crouille qu'il aurait eue. Elle n'aurait eu qu'à faire le paquet, le ficeler, mettre l'adresse et puis tout te dire. À ce point naïf? Puis que ça. Oh, la tête débordante de science et tout. Mais alors, pas plus d'essayant qu'un beau qui t'aide encore. On a essayé de dégrossir un peu. Il vous aurait fallu voir ses étonnements. Il n'en revenait pas. Pour lui, il voit le monde comme un pays où il n'y aurait que des bébés et des sages-femmes. Et encore, pas beaucoup de sages-femmes. Les cigognes, plutôt. Mais il faut reconnaître qu'il s'y mettait assez rapidement. Oui, oui. Peut-être trop vite pour que ça soit bien pourtant. Un peu comme ces vins qu'on a des fois, là, qui se modifient de jour en jour pendant les premiers mois, puis... brusquement berné, que plus moyen d'en tirer quoi que ce soit. On les a tellement flattés qu'ils sont devenus blasés. Enfin, vous voilà revenus. Les filles n'auront plus qu'à user leur falbala dimanche et à s'arranger sur le dos d'un autre. Et vous, ça s'était bien passé. Et vous savez, autant qu'on peut dire que ça se passe bien dans une clinique. Ouais. Mais les résultats, mon Dieu, on ne sait pas. Je dois me surveiller. Ouais. Ouais, on voit ça. Un régime. Des ménagements. Des piqûres. Ah non. Non, pas de piqûres. Comment ça? Pas même des piqûres? Pas même des piqûres, non, je suis navré. J'aurais bien voulu vous faire ce plaisir, mais... Ça fait que vous êtes allé chez un tout vieux docteur? Même pas. Bon, alors, je pense que les ingrédients commencent à être rationnés. C'est pareil que c'est comme pour le reste. On ne peut plus faire de piqûres qu'à ceux qui en ont déjà reçu l'année passée, et au septembre, pour ça encore. Hein? Là, oui, c'est probable. Mais ça va rudement compliquer ce métier de docteur. Vous êtes peut-être tombé sur une sorte de docteur comme on en avait un au chef-lieu Ouassé-Destouza. Un original? Oh, pas même, mais enfin, avec réponse à tout, puis toujours prêt à signer tout à chaque. Ah, c'est pas qu'un jour il se rencontre dans une ferme avec son collègue, le vétérinaire. Ouais. Il y avait en même temps un homme et puis une bête malade, ça arrive. Ça fait que voilà les deux gaillards de la maison avec leur outil, là. Comme le docteur a fini son affaire à l'art, l'autre, il descend contre l'écurie, et puis il se regarde l'autre pareil. C'est rue de l'homme qui lui fait au bout d'un moment. Vous comprenez qui fait le vétérinaire, vous les docteurs. Vous avez plus de chance que nous. En plus, pourquoi ça? Parce que vous avez des malades qui vous disent ce qu'ils ont. J'ai des lancers dans le bras, puis mal à la pointe du coton et tout. Ce qui fait que vous n'avez plus qu'à mettre le nom sur la maladie et tout est dit. Tandis que nous, avec ces poisons de bête qui nous ont la bouche pour mordre, on est bien obligé d'essayer de comprendre, ça prend du temps. C'est pas bien vrai qui répond le docteur. Seulement vous, vous vous rattrapez après. Ah oui, comment ça? Parce que nous, les docteurs, quand on en a mal soigné, on est bien obligé d'entendre ensuite toutes les gérémiades. Tandis que vous, la bête avale ses potions, et ça tourne mal, vous la faites abattre. En tout cas, on n'en a jamais connu une qui vous ait demandé une explication. De sorte que tout compte fait, j'aimerais mieux avoir affaire à des clients muets. Bien dit. Et où ça se gâte? C'est que quelques jours après, le vétérinaire tombe malade. Forcément, il fait venir le docteur. Le docteur arrive. Bonjour, collègue, comment on va? Voilà mon vétérinaire qui ouvre la moitié d'un œil et qui répond par un grognement. Rien de plus. Alors, malade ou quoi? Mais vous, vous pouvez pas bien me dire que je puisse m'orienter un peu? Toujours pas un mot? Rien? Le vétérinaire fait le mot. Après que le docteur n'est pas long à comprendre. Pardine, qu'il se passe, c'est rapport à ce qu'on s'est causé l'autre jour. Ça va falloir me débrouiller comme ça. Avec qu'il débarque ses outils, puis qu'il commence à tripoter le vétérinaire, il le pince dans le dos, il le pince sur le ventre, il y chatouille les côtes, il y tapote le nez, il y ouvre la bouche pour regarder les dents. Droit comme il avait vu que l'autre faisait avec les bêtes. Après quoi il est fait? C'est bon, je vois ce que c'est. Mais rien de grave. Vous n'avez qu'à prendre ce paquet que je vous dis sur l'ordonnance. Si ça ne va pas mieux dans un paire de jours, refaites-moi venir. Au revoir, collègue, bonne chance. Et alors? Alors, dès qu'il a le dos tourné, le vétérinaire se réveille et prend l'ordonnance pour voir. Savez-vous ce qu'il avait mis dessus, cette tonnerre de docteur? Pas. Un paquet de poudre maillot. Oh! Comme l'autre, vous avez les vaches, Pardine. Ah, bien, reste, ça, c'est des gaillards qui ne se laissent pas embobiner tant facilement. D'autant que quand les médecins, les vétérinaires se font leur force entre eux, ben. C'est tout boni pour les autres. Et tout juste, comme quand les vents se contrarient tellement que la pluie ne peut pas tomber. Santé. Santé. Parce que, déjà, docteur ne vous a pas défendu le petit blanc, ou pas? Tout, mon Dieu, je ne me souviens pas exactement. Il m'a dit tant de choses. Oui, oui, on connaît ça. Et puis, au fond, les régimes, c'est comme dans les grands magasins, c'est un choix. Il faut y prendre ce qui est bon, puis se gouverner selon ses moyens. Exactement, mon avis. À votre santé. Santé. Allez pas voir le contrôle des prix, là. Je laissais dire qu'ils nichent pas nombreux. Mais tu ne l'es pas. C'est comme l'état avant. Plus le climat est chaud, plus il y a une pique. Non, non, non, quand même. Non. Maintenant, c'est fini. Oh, t'as permis de dire ton mot, histoire de te dégonfler un peu, parce que... Quand même, on a besoin de toi par le village pour les vendanges. Mais à présent, ben, on change de discussion. Là. Et bravo, Caviste. Je ne vous ai jamais connu si sage. Oh, de bon gré, par force. Comme disait l'autre. Et bon, Caviste. J'ai regardé dans les papiers, là. Je n'ai pas vu ton nom dans les gagnants du concours de dégustation au confort. Quoi? Avec ça que ça te dégoûte, cette marchandise à déguster. Que non, mais tu sais, moi, je n'aime pas tant avoir mon nom dans les papiers. Reste à savoir si tu l'aurais eu. Si j'avais été sûr de ne pas l'avoir, je m'y serais un peu amusé. Et vois-tu que ça paraisse noir sur blanc. Je n'ai même pas pensé à cette soirée que ça prend à la maison. Ah, diable, c'est qu'il y a ça. Forcément, quoi. Vous amusez à des affaires comme ça, il faut être garçon ou alors avoir une autorité formidable à la cuisine. Ouais, moi, je m'y vois. Je me serais assis dans un coin avec une air innocente. Puis j'aurais vu la Mélanie tourner les pages, les nouvelles, les morts. Et puis brusquement, elle m'aurait regardé par-dessus ses lunettes. Et si. C'était intéressant qu'elle m'aurait fait cette assemblée générale que tu avais à Lausanne l'autre jour. Ouah, ces inventions à vous donner une attaque, j'aime mieux être prudent. Ça n'empêche que les marchands se sont bien tenus cette fois. Et puis qu'ils avaient combiné leur affaire en première. Parce que depuis ce célèbre concours, il y en avait qui ne connaissaient même pas le leur. Ils se sont mis à l'étude. C'est des affronts qu'on n'accepte pas deux fois. Ça fait que cette année, mes gaillards étaient prêts. Mais alors, comme jamais on avait ça cru possible... Je suis aperçu. Figurez-vous qu'un soir au comptoir, j'en rencontre un. Je vois qu'il fait quelques grimaces, il se pince le nez, penche la tête en arrière... Et le voilà qui me récite droit bas toutes les sortes que j'avais bues dans le courant du tantôt. Et avec l'année encore. Oh, ben ça n'est rien, parce que tout compte fait, il n'avait qu'à apprendre par cœur la carte des vins de la fête vaudoise. Ça réussissait à un client sur deux. Ben, moi, j'en ai vu un, et pas des moindres, qui est entré dans une de ces petites pêtes à vin, comme ils s'en tiennent encore par Lausanne dans les rues fraîches. Il entre, il renifle, il dit à la patronne. Alors, le troisième vase est vide? Oui, qu'elle lui fait? Comment savez-vous? Oh, qui répond. J'ai bien senti en entrant qu'il n'y avait plus que 6 sortes à la cave. Et en ai bien reniflé, il m'a senti que c'était le bouquet du 3 qui manquait. Et le préparé de la sorte, il devait rafler tous les prix, c'était l'évidence même. Seulement, les autres ne le savaient pas. Il y avait un lot de ces gaillards de la ville. Vous les connaissez, vous, qui devez y faire un séjour. Mais d'y faire un séjour, par la main. Dès qu'on met plus de 3000, 3500 comme dans la même localité, ils se croient volontiers qu'ils savent tout, en long et en large. Oui. Ça fait que bref, ils étaient quelques-uns à être persuadés qu'ils étaient dans les francs premiers. Ils te rôdaillaient dans ces halles avec des airs avantageux, clignaient de l'œil vers le stand de la dégustation, toujours près de marchand. Rien. N'ose pas qu'ils se pensaient. Seulement voilà que le dernier jour, ça s'est gâté. On a vu ces marchands arriver un par un, avaient l'air de n'y rien connaître du tout. Et tiens, qu'ils faisaient? Il y a qu'un cours de dégustation? Comment, vous ne le saviez pas? On se disait aussi que vous vous faisiez rare cette année. J'en avais entendu causer, mais je ne me rappelais plus. On a tant de choses à penser. Et alors, vous ne tentez pas votre chance? Tant qu'à faire qui disait, si on n'y connaît rien, ça nous donnera des idées pour nos dosages de l'an prochain. Un petit verre, les yeux blancs, la recette des gencives, passons au second, et puis ainsi de suite. Et les autres, ils se doutaient de quelque chose? Ah oui, on en a bien vu quelques-uns qui devenaient plus prudents en parole. Ils faisaient, naturellement que nous, quand même, on fait ça en amateur, et puis qu'ils ajoutaient le hasard joue tout de même un rôle, n'est-il pas vrai? Oh, il n'y avait rien à redire. Le nom des vins, on le lisait dans les yeux des marchands à mesure que ça humectait, comme dans les caisses automatiques qu'ils ont dans les magasins, noir sur blanc. Et les résultats? Je vous avoue que je lis peu les journaux, je suis un peu fatigué depuis cette maladie. Alors, je parle mal. Buvez un verre. Santé. Merci. Qu'est-ce que vous disiez? Eh bien, je vous disais que j'avoue que je lis peu les journaux ces temps. Alors, cette importante nouvelle m'a échappé. Résultat? En quelques heures, les marchands t'ont raflé les premiers prix, que c'est tout juste si deux Lausannois ont pu se raccrocher dans les 10 premiers. Ce qui, au fond, est parfaitement juste. Quel diable! Parce que, hein, entre nous, si nous les consommateurs se mettaient à être connaisseurs, ça n'arrangerait guère les choses. Voulez-vous bien vous taire, mauvaise langue? Plus qu'en cause de ça, est-ce que vous connaissez celle qui était arrivée dans un concours à un gros bonnet de Lavaux, d'épaisse, je crois bien? Non, laquelle? Ah ben, si vous la connaissez, faut m'arrêter, hein, parce qu'elle est célèbre dans le coin, puis du train dont vont les mauvaises langues, m'étonnerait pas qu'elle ait déjà fait le tour du canton. Il arrive donc à un concours, mais c'était une fois où il y avait des vins de différents cantons. Ce qui fait que forcément, on aurait déjà pu les reconnaître à la couleur, n'est-ce pas, avec cet aspect d'eau minérale qu'il y en a qui ont. Ce qui fait qu'on bandait les yeux aux concurrents. Mon gaillard s'installe, sèche son premier godet et te l'étiquette en moins d'un lien. Du même avec le second. Diable, qui se disent dans le jury, si on n'y tend pas une embuscade, il est capable d'aller sans s'encoubler jusqu'à 10. Ah, voilà donc un qui se ramène avec un verre dans lequel il avait mis tout simplement... Boulot, pardine, c'est la farce qu'on fait toujours. Juste. Mais ce n'est pas toutes les fois qu'on trouve comme ça à qui parler. Mon gaillard prend le verre, le renifle, et la pote, puis... Il s'en met une giclette sur la langue, mais alors avec une de ses prudences, pire que si c'était de l'acide. Et puis il repose le verre et dit, « Moi j'arrête. Votre concours est trop difficile. Comment voulez-vous que je reconnaisse cette liqueur-là? Du diable si j'en ai bu une goutte de ma vie entière. Eh bien moi ça m'a rappelé une autre de farce du même genre, sauf que le vin n'y jouait pas le même rôle. T'as sympa. Ça se passait il y a 10-15 ans dans une ville du nord du canton. Un soir, à l'heure où il n'y a plus que les grosses nuques dans les arrière-cafés, rapport à l'heure de police, ils étaient une pincée à godailler à bouteille que veux-tu. C'était proche des élections, vous pensez si les langues marchaient. Forcément que parmi ils s'en trouvaient qui pesaient déjà les 100 kilos à jeun, ce qui fait qu'à ces heures-là, avec le supplément de liquide, ça devenait des gens de poids. Tant et si bien que patatras. Ah voilà un petit magistrat que sa chaise lui casse dessous puis qui s'étale les quatre fers en l'air. Que les autres n'avaient pas assez de cuisses pour se taper dessus à leur compte. Celui qui était tombé se relève, puis pour sauver la bise, fait comme ça, regardant sa chaise. Jambe cassée, va falloir la mener au docteur. Vous savez comment on est quand on n'a rien brillé. Les voilà qui trouvent l'idée à leur goût. Et un qui saute au téléphone, appelle le docteur. C'est pour une jambe cassée qui fait. Il vous faudrait monter jusqu'à la Croix d'Or. Au milieu de la nuit? Sur les 2 heures, quoi. Ce n'était pas fin. Bien sûr que non, que ça n'était pas destrapin. Ce qui ne les empêchait pas de rire à plein goulot. On frappe, on va ouvrir. C'est le docteur. Il voit tout de suite qu'il tombe dans une société pas trop endeuillée. Et prend à tout hasard son air le plus féroce. Les autres qui riaient sous cap, bien entendu. Alors, cette jambe. Voilà qu'on lui fait en montrant la chaise. Et tous mes hommes attendaient que le docteur pique une crise pour pouvoir rire à haute voix. Mais pas plus. Le docteur fait, « Oh, c'est que je n'ai pas les outils. Venez-vous voir un marteau et des clous. » On les lui donne. Il retape la chaise tant bien que mal. Et s'en va sans ajouter un mot. Il devait être moitié moins pire qu'avant, les citoyens. Par Dieu, oui. Parce qu'avec un qui se fâche, il y a toujours moyen de s'expliquer. Tandis qu'avec ce docteur qui restait muet, la farce perdait de son allant. Au revoir, messieurs, bonne nuit. Vous savez, docteur, qui fait un « on regrette bien », mais pensez donc, vous me connaissez, je comprends la plaisanterie, et il s'en va. Ah, quand même, j'étais un froid. Et un quart d'heure après, mes gaillards filaient l'oreille basse, comme quand on s'est aperçu qu'on n'est pas tant malin qu'on croyait. Et la farce était ratée. Momentanément, parce que le lendemain matin, le plus gros bonnet de la bande reçoit une lettre dans laquelle il trouve réduction de fracture, intervention d'urgence, 150 francs. À payer dans les 8 jours à l'infirmerie sans sa plainte sera déposée. Ben, au fond, ils ont eu de la chance de tomber sur une fine lame. C'est grâce au docteur que la farce est redevenue bonne. Même un peu trop, parce qu'avant, ils étaient 4-5 à rire sous cap. Tandis que le lendemain, toute la ville riait à gorge déployée. N'empêche que moi, je connais des gaillards à qui je voudrais bien faire une de farce. Mais alors que ça leur dépille leur vie du rein. Ça y est, le voilà que ça le reprend. Parfaitement que ça me reprend. Que ça ne me lâchera pas. Parce que je crois bien qu'en y réfléchissant, ben j'ai trouvé. Bonne farce? Non. Une solution. Oh, alors, si tu as une solution à proposer, on peut toujours s'examiner. Voilà. Moi, je me dis que tout compte fait, le syndic a raison. On a tort de t'en s'emballer. Oh, dis-moi, c'est toi qui vas fort maintenant, hein? Laisse causer les gens. Le tort qu'on a dans cette affaire, c'est de s'arrêter au beau milieu. On vient de nous fixer des prix, niveler les qualités et tout. Ça paraît faux au premier abord. Mais au fond, c'est leur affaire. Ah, tu trouves? Une supposition qu'un marchand de vin se dise, moi j'en ai assez de toutes ces différences, de ces étiquettes, de ces fignolages qui me compliquent ma comptabilité. Depuis demain, je vends tout mon vin au même prix et je le baisse à 1 franc le litre, vers en deux. On n'aurait rien à y dire. Sauf que ce marchand-là, il aurait meilleur de se faire direct une fondue à la morora. Ça simplifie. D'accord. Mais si ce marchand, c'est l'État, hein? Il peut se payer ses petites fantaisies. Alors moi, je vois ça comme ça. Berne vient par là depuis lundi. Il va dans avec des compagnies de travailleurs où Dieu sait. Il te charge la récolte d'un des directs, traverse le tunnel et tout est dit. Cabiste, tu commences à m'agacer. Mais non, voyons, il nous faut tâcher d'être logique. Comme ces gaillards ont des idées logiques, rationnelles et centralisées. Comme de juste. Ils te brassent toute la récolte de la Suisse dans une vaste cuve qui te construisent quelque part dans le parc national ou même dans un de ces lacs artificiels qui n'en veulent pas entendre parler de se remplir. Bon, et après? Mais s'il reste de la place, ils y versent encore d'autres choses qui leur tombent sous la main, des tisanes de fleurs des Alpes, des mauves, un peu du tout, quoi. Oui, une sorte de deuxième sucée de vin fédéral en plus aigrelé, quoi. Voilà. À ce moment, il ne reste plus qu'à attendre que ça fermente un peu et à fixer le prix. Eh bien, rien de plus simple, puisqu'on sera arrivé au prix unique. Ils n'ont qu'à la jouer en cette poutre. Et à attendre les acheteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'est pas si bête que ça en a l'air. Qu'en pensez-vous, Reza? Oui et non, parce que vous avez prononcé le mot, les acheteurs. En trouvera-t-on? C'est là que je vous attendais. Eh bien, moi, je vous dis qu'on en trouvera tant qu'on en voudra. Oh. On n'a qu'à mettre des avis dans les journaux qu'on engage 15 000 fonctionnaires à 500 francs par mois pour boire la récolte de vin fédéral. Eh bien, alors, quel sale métier ça serait de devoir détruire cette godaille. De quoi? Eh bien, moi, je te garantis que je suis le premier à m'engager. Tais-toi, Bob. Bob, tu n'as qu'à faire le compte. J'aurai chaque jour 8 heures en bétane. C'est tout vu. Mais il en restera 16 où ils me ficheront la paix. Et non, de sort, ça fera déjà 16 de plus que maintenant. Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, on ne va pas se décider tout de suite, hein. Va falloir s'amurir. Et en parler à nos femmes. Juste. Et d'abord, rentrer, c'est l'heure. Je crois que vous avez raison. Il serait temps d'aller faire un tour du côté des mamas. Alors, au revoir, les gens. Bonsoir, messieurs. Dans 15 jours. À la même heure. Thank you. parle, les gens, vous qui savez tout. Depuis quand est-ce qu'on n'a plus cette peine de mort dans le canton de Vaud? Ah, eh bien là, vous me prenez au dépourvu. Ça date bien d'une cinquantaine d'années. Si je me souviens bien, la dernière exécution avait eu lieu à Moudon. Mais quand ça... Oh, ça n'est pas plus vieux que ça. M'étonnerait. Moi qui croyais que le dernier condamné à mort de par chez nous avait été ce Rodoyer. Rodoyer? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas Rodoyer? Non. Alors la région, je ne vous dis pas. Là, ils sont bien tous les mêmes, ces savants. Hein? Ça vous lit les livres de tous les auteurs, sauf que des Vaudois. Et donc le héros d'un livre Vaudois? T'enlèves d'un raisin. Pardieu, bien sûr. Ça avait paru dans le roman de voici quelques années. C'en était un du pasteur Ferredon. Allez-y, je me demande quel connaît. Raconte-le, ça dit. Moi, j'ai toujours du plaisir à l'entendre. Oh, moi aussi, Barbine. Donc, c'était du temps des Bernois, oui, enfin, de cette époque qui nous protégeait, quoi. Oui, quand on est genevois qui voulait nous prendre le lac. Bon, ce qu'ils disaient. Oui, voilà. Ça fait que ce Rodoyer, une fille de route, pour dire vrai, qui les avait toutes faites, sauf la dernière qui se gardait pour la bonne bouche. Le voilà qui se fait passer par la police du temps, pour Dieu sait qu'elle le met farouté. Or, dit dedans, puis ça ne traîne pas. Avec la justice de Berne, ça n'y allait pas par quatre chemins. Tribunal, plaidoirie, réquisitoire, tout le tralala. Et mon Rodoyer condamné à mort. Je crois bien qu'on est tombé à l'époque. Oui, m'étonnerait pas, ouais. Seulement, en un sens, dans l'ancien temps, on était presque plus doux maintenant. Hein. Et que, par exemple, les condamnés, ben, ils avaient le droit de demander une dernière faveur avant de mourir. D'ordinaire, dans ces coins, ils demandaient trois destinivores depuis tout était dit. Et de s'affiffer en trinquant avec leur avocat pendant qu'on astiquait les machines. Ça leur faisait un dernier contentement. Tandis que Rodoyer, la famille de Bernes, son dernier désir, le voilà qui se met à réfléchir et puis qui dit c'est que ma foi, c'est un désir pas comme d'habitude. Ah oui, que fait le juge? Ça serait-il que vous préférez la dose de Sion? Que donc, répond le Rodoyer. Avant de mourir, je n'ose pas vous dire. Allez-y, c'est une affaire en ordre, comme vous dites. Eh bien, je voudrais apprendre l'allemand. Excellente idée. Vous la connaissiez pas, hein, Fénon? Ah non, ben alors vous êtes le seul, hein? Oui, il va falloir que je vous prête ce livre. Je l'ai pas chez moi quelque part. Seulement ce que le livre ne dit pas, c'est comment ça a fini. Ah, puis tu le sais, toi. Bon, que font les Bernois? Ce qui est dit est dit. Coquin qui s'en dédit. Vous voulez apprendre l'allemand? On a juste par Berne une école d'Estra qui va vous apprendre en deux temps trois mouvements. Ils connaissent bien les Vaudois, ces Bernois là. Et ça pleurait, oui. Oh, vous savez, pour ce qui leur demandait leur avis, ben, ils n'avaient rien besoin de tant les connaître. Hein. Ça fait que voilà mon Rodoyer par Berne, dans un pensionnat, au premier rang, droit devant le tableau noir, et en avant la musique. Ils se binent, doubiche, riche. Tous les jours, des 3-4 heures de leçon, que mon Rodoyer suait sans chaos sur ses conjugaisons et ses combines qu'ils ont dans cette langue. Oh oui, alors là, leurs mots à targette qui disent juste le contraire selon qu'on leur met un tac au devant ou derrière. T'as un brouille de musique, oh là là là. Et alors? Alors ça a duré 6 mois plein, jusqu'à ce qu'un beau matin, on ne voyait pas arriver le Rodoyer à l'école. Les gens inquiets le fait rafraîchir ses chaleureuses. Mon gaillard était mort dans sa chambre. Impossible. Et pourquoi? Il avait mis un billet sur sa table de nuit où il avait écrit « Tant qu'à faire, je me mets en finir tout de suite. » Eh ben, c'était bien son dain, là. Ah, c'est tout de même drôle que les hommes n'aient pas été fichus de s'entendre sur une langue unique quand on y parle. Eh ben, qu'avant la tour de Babel, ça n'était pas ainsi. Vous croyez ça, vous? Jusqu'à preuve du contraire, mon Dieu. Oui, pas vous? Oh, ce caviste, on le connaît bien là, hein? Il en sait toujours plus que les autres, plus que les saveurs, même plus que la municipalité, alors c'est tout dire. La tour de Babel, comment est-ce que tu l'expliques, toi? Moi, ben, y a rien de plus simple à mon avis. Y a pas besoin de t'en chercher dans des dictionnaires pour comprendre. Quand ils ont voulu construire cette tour de Babel, ils ont eu besoin d'une puissante équipe d'ouvriers, forcément. Eh ben, on dit pas le contraire. Alors, il s'est passé tout juste ce qui se passe aujourd'hui quand on bâtit la moindre carré par le canton de Vaud. Les maçons étaient italiens, les appareilleurs étaient suisse-allemands, et les gens du pays travaillaient comme manœuvre. Ce qui fait qu'avec toutes ces langues, on ne se comprenait plus dans cette tour. Ils se sont énervés, tant qu'une rossée en sort de pays, les femmes s'en sont mêlées. Et c'est de là que ça a fait tant de bruit qu'on en cause encore aujourd'hui. Votre explication a au moins le mérite de la simplicité. Mais elle ne dit pas pourquoi les gens parlent plusieurs langues. Voilà. Ben c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas toujours des raisons à tout, quoi. En tout cas, c'est bête. Parce que tenez, nous, qu'on se croit tant malin, ben regarde-moi les chiens. On en voit qui viennent d'Allemagne, du Danemark, de la Chine. Ils se rencontrent, ils se font leur petite politesse, ils s'envoient un peu. Les voilà qui se sont compris du premier mot. Ce qui n'empêche que ça n'arrange rien du tout. Ils ont beau se comprendre, laisser seulement traîner un os, et vous nous allez se battre. Une os, ou rien qu'une jolie bonne amie. Oui, mais rien du tout, parfaitement. Vous en voyez des fois qu'ils se courent dessus, tellement qu'ils sont contents de trouver de la compagnie. Ils font rien de causette, et puis on les voit qui s'en vont avec des heures dégoûtées. Sûrement qu'ils se pincent. Celui-là, ma foi, il a des drôles de façons. « M'étonnerait pas que ça soit un étrange. Ce qui fait que tu vois ça, Dick, ça n'est pas tant une question de langue. La croyance vient de plus profond, probable. Mais ça n'empêche que toutes ces langues, c'est redemarbite, hein? Enfin, bien sûr que les Chinois, s'ils se tiennent de causer dans la leur, ça ne me dérange encore pas tant. Mais en Suisse, quand même, ça devient ridicule à la fin. » Moi, je vous la garantis que ça irait moitié mieux si un beau matin, tous les Suisses se disaient « Finis cette comédie. Dès aujourd'hui, on fait un petit effort et on se met tous à causer le français, non ?» Mais le temps serait peut-être un peu plus grand pour les confédérés. Voilà. Quand on voit des bohèmes de 3 ans qui s'en tirent déjà aussi bien que nous, et que même des bombés comme le Nice du bas de la Forge arrivent à causer le français, mais tu ne vas pas me faire croire que des Suisses allemands qui sont tant malins n'y arriveraient pas. Alors, ce serait presque une injure. Ouais. En tout cas, moi, ça m'arrangerait bien quand je dois aller à Berne pour l'Assemblée Générale de la Fédération. Parce que maintenant, quelle journée ça me fait, mentait. Et puis ça m'éviterait de ces aventures, comme j'avais eu au banquet il y a 3 heures. Il y a 3 heures. C'était juste avant la guerre. Eh quoi, tu t'en es pas vanté, ton aventure? Oh, on en attend. Donc, j'arrive à ce banquet complètement rami. Faut dire qu'on avait discuté pendant 4 heures le matin. En français? En allemand, pardon. Moi, j'approuvais de la tête, tout était dit. Mais c'est que nos confédérés, de loin, ils ont l'air encore assez calmes. Mais alors, quand ils vous tiennent le crachoir, rien ne fait pour qu'ils le lâchent, à moins d'une bonne demi-heure. Et puis tout sur un ton monotone, sans geste, comme des gamins qui récitent leurs leçons à l'école. Ce qui fait que moi, je m'étais faufilé à la matin, histoire de me mouiller un peu la planche avant les gens d'eux. J'arrive au banquet, ça venait de commencer. Sans le vouloir, je m'étais mis un peu en retard. L'heure des allées était tellement mûre que j'avais essayé de 3 aigles pour m'en mettre. Et bref, j'arrive, les cuillères marchaient rondement, mais je me glisse sur une chaise libre. Alors en mangeant cette sorte de lissue qu'ils appellent des consommés... Alors, de ces soupes aux tortues qu'ils disent. Tout juste, je regarde autour de moi. À ma gauche, j'ai vu le premier coup de quoi il retournait. Un grand galapia dans une de ces roquelaures raides qui se tiennent droite toutes seules sans qu'on ait besoin de les mettre sur le dossier de la chaise. Que chaque fois qu'il en allait rigoler, les épaules se soulevaient, ouais, et puis un col avec une brisure pour laisser passer la pomme d'Adam, une cravate de deuil, des lorgnons en or à sortir la chaîne de montre, pas un poil qui dépassait, et 3 plis bien droits sur la nuque. Et là, je me fais, je ne fais rien pouvoir en tirer du tout du repas. Surtout qu'il s'était commandé une bouteille d'eau minérale, ce qui le complétait agréablement. Je me tourne contre la droite, et là, ma foi, mon voisin avait encore assez bonne façon. Il avait commandé 3 dessus, mettait ses coudes sur la table. Enfin bref, je me dis peut-être bien qu'il a allé à sable, mais il a au moins tout l'air de l'avoir digéré. Il a presque l'air de chez nous. Oui, dans des cas comme ça, on ne fait pas tant d'épaisseur. Ouais. Ce qui fait que j'arrondissais une phrase pour amoder la causette. Quand il prend son verre, il me fait « Prost ». Va pour Prost. Moi, je tombe de mon haut, puis je m'enfâte dans le silence. Sauf que pendant le repas, mon homme, qui était tout de même assez avenant, me disait de temps en temps un petit mot, juste histoire de faire qu'on ne soit pas trop seul. Il me demandait flèche. Il y a flèche que je répondais. Traduction. C'est comme ça qu'il dit à la viande. Hein? Si quelqu'un dit que vous n'avez pas le même accent, non, vraiment. Ça vient de ce qu'on n'a pas appris dans le même coin, probable. Bref, des petits mots comme ça, café, kirsch, de ces choses qui ne compromettent rien. Selon moi, ce commerce ne me disait rien tant. Quand on est là comme on mange sans mot dire, on se fait un peu l'effet d'un cochon en train de vider sa mangeoire avec le domestique qui attend pour changer la paille. Ça fait que dès qu'on a eu bu ce café, je me suis dit, départ, changement de cantonnement. Je me lève, je salue, c'est pas compliqué, il n'y a qu'à dire adieu. Ils comprennent tout par la parole, oui. Mon voisin de gauche se plie en deux, droit bas, comme quand on a tapé juste sur un mannequin à la noce à Thomas, mais qu'on ne l'a pas eu assez fort. Ce qui fait qu'il se relève, l'autre me dit adieu, puis je m'en vais. Rentre au buffet, commande mon aigle, je prends le journal, me tire les jambes, et puis bon. Seulement voilà-t-il pas qu'au bout d'un moment, j'entends un gaillard qui me fait « Et alors, qu'est-ce qu'il raconte de neuf dans cette revue ?»« Regarde, je reconnais mon voisin. Parfaitement, celui de droite, c'était le délégué de la cour, il vous avait pris pour un béadois. Faut croire, et qui s'était fatigué le match à me réciter tous les mois le maquillage. Et que même il s'était pensé à ce qu'il m'a dit. Décidément, c'est confédéré. On a beau se mettre en frais, ça reste froid comme des glaçons. Mais je t'ai toujours dit que tu as l'air d'un original. M'étonne pas qu'on ait pu te confondre. Bon, ça ne vaut pas celle qui est arrivée à Berne, un conseiller national vaudois bien connu. Oh, il y a déjà quelques années de ça. Hein, connard? Et c'était donc un conseiller bien de chez nous, que forcément, il ne savait pas un mot d'allemand. Ah, au conseil national, ça devait le gêner. Mais pas plus. Il n'avait qu'à s'acheter deux ou trois hommes français au kiosque de la gare, et puis tout. Forcément que quand il y avait des discussions, ça devenait déjà un peu plus casuel. Mais il s'arrangeait pour se faire expliquer la combinaison par un voisin. Ouais. Et puis il pouvait toujours lire les papiers du lendemain. Voilà. Voilà. Sans compter que tout ça s'est réglé comme du papier à musique. Ils ont l'ordre du jour, ils savent sur quoi ils vont voter. Et vous pensez bien qu'un député vaudois n'a pas besoin d'entendre un discours pour savoir s'il est pour ou contre une loi. Bon, on ne manquerait plus que ça. Après qu'un jour, un congé ferme depuis une heure à propos d'une loi, puis une discussion s'engage sur l'article 40. Pire que ça se dit en allemand. Au bout d'un moment, mon gaillard va faire un tour du côté des pas perdus, il revient, on en était toujours à cet article 40, et pire que par-ci, et pire que par-là, on en sortait plus. Ça l'agaçait forcément. Et quand il doit se disputer, qu'il se pensait, on va rater le dernier train, puis ça fait des frères supplémentaires. Après, il se tourne vers son voisin, je le vois, puis il fait « Pardon, collègue, le Firtic dont il cause depuis une heure et demie, qui est-ce ça pour un ?»« Firtic, qui répond, je le vois sans broncher, c'est le directeur de la régie des alcools. »« Oh, que fait mon député, voilà ?» Eh bien, celui-là, je vote contre. Et le voilà qui se recaille dans sa fauteuil. Pourvu que son vote n'est pas fait sur une loi importante. Oh, alors là, les gens, rien à craindre. Je me suis laissé dire par un de là-bas, il avait tellement travaillé par ce conseil de Berne, qu'il voyait venir le moment, il n'aurait plus la moindre loi à se mettre sous la dent. Parfaitement, même que le président s'est acheté un dictionnaire, il a lu de A à Z. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Il n'a plus trouvé un seul mot qui n'ait pas fait objet d'une loi fédérale et d'un impôt avec barème et tout. Arrête. Comment est-ce qu'ils s'en sont tirés? Oh, ils ont eu des rudes angoisses, pardieu. C'est un véritable soulagement qu'ils ont vu arriver la crise. À quelque chose, malheur est bon. Voilà. Et ce même qui me s'en racontait me disait, avec cette économie de guerre, on en a comme ça pour 10 ans devant soi, sans se faire des cheveux. 10 ans? Eh bien, moi, je les trouve bien imprudents. Parce que c'est ma foi vite passé. À leur place, moi, je les économiserai un peu, ces lois. Ça ferait traîner à longueur. Ah, c'est très malhonnête. Peut-être bien, mais nous, on n'est pas tant intransigeants. On se contenterait du peu, oui. Là, oui. Surtout qu'avec ces nouvelles cartes qu'on vient de recevoir, il y a ma foi bientôt plus que des embêtements qui ne sont pas rationnels. Bon, on ne va pas commencer à broyer du noir avec ces cartes. Ma femme ne me parle plus que ça depuis quelques jours. J'ai tout dit ce que je pouvais dire. Bien dit, surtout que des choses comme ça, entre gens de bon sens, eh bien, ça ne se dit pas, ça se chante. Il y a juste une de chanson dans le refrain, ma foi, bien d'actualité. Et maintenant... Ben, tu n'as qu'à entonner, on te suivra au mieux de nos moyens. Dans le pauvre genre humain, de tout temps, chacun s'est plaint de son destin. Nos aïeux, déjà dans un temps plus prospère, se disaient tout bas. Tout languit sur la terre, y a pas gras, y a pas gras. Tout languit sur la terre, y a pas gras, y a pas gras. Une fille aux yeux charmants reste sage et sans amant jusqu'à 30 ans. Le monde dit tout bas, Elle est pourtant jolie, elle a des appâts. Mais dans bien des familles, y a pas grand, y a pas grand. Mais dans bien des familles, y a pas grand, y a pas grand. Un ivrogne à demi-sou prend son verre et boit un coup et voilà tout. S'il n'a pas, hélas, crédit d'une chopine, il se dit tout bas. En faisant triste mine, y'a pas grand, y'a pas grand. En faisant triste mine, y'a pas grand, y'a pas grand. Voit-on un enterrement où n'y a gendre, ni parrain, ni assistant. Tout le monde dit tout bas, oh mort, fais bon voyage, tu t'en vas là-bas. Mais pour ton héritage, y'a pas grand, y'a pas grand. Mais pour ton héritage, y'a pas grand, y'a pas grand. Santé, hein. Santé. Et alors, pour finir, ce nouveau. Et quoi, ce nouveau? Il travaille, pardon. Oui, mais comme qualité. Oh, comme qualité, ma foi. Le plus simple, c'est encore d'attendre et de le goûter. Ça va nous faire heureux d'ouvrage pour cet hiver. Oui, enfin, en tout cas, ça sera du bon. Oh, ça alors, sans contredire. Bon, c'est ce que je voulais savoir. Oui, mais la question de savoir si ce sera du bon, du tout bon, de l'estrabon, c'est un peu révérence parler, comme les régents, hein. Quand ils ont passé par l'école normale, c'est forcément des bons, mais il reste des tas de nuances, compris. Et qui fait quand même une fameuse différence avec les cavistes, parce que là, il y en a carrément mauvais. Ben voilà qui est parlé. Mais pour revenir à ce 42, est-ce que ça sera du 34? Ben, c'est difficile à dire. Je crois qu'il a raté d'un rien le 95. Oh, tant que ça. Oui, ça m'est fallu 8 jours plus tôt pour cette pluie, et ça y était. Ça fait qu'il se tiendra bien dans les régions du 34. Peut-être une brique plus flatteur. Oh, un air de tonnerre, on se réjouit déjà. Seulement, il risque bien d'avoir moins en profond. Oui, peut-être bien qu'il se gardera moins longtemps bon. Oh, bien tant mieux, tu sais comment on commence à prendre de l'âge, ma foi, en démontant un vin qui donne tout de suite quand qui promet pour plus tard. Ceux de dans 10-12 ans, s'ils veulent une fille de goutte, ben ils n'auront qu'à se la faire même. Du 34, charrette, je n'aurais pas ça cru qu'on en aurait de suite. Même que si ça continue un paire d'années comme ces dernières, le canton de Vaud va venir un coin rude et dangereux. Dangereux? Pour qui? Comme disait l'autre à ce Suisse allemand, vous la connaissez ou quoi? Non. Un de Parberne qui faisait son malin puis qui disait, pouh! Les Alpes vaudoises, c'est du petit butin, c'est de la montagne pour les cabris. Nous, dans le Bolland, on a de ces puissantes montagnes avec des noms en horn, des Finsterhorn, les Wissorn, le Vollorn, l'Odehorn. Ça, c'est des sommets qui se respectent, que même chaque année, il y en a 5 ou 6 qui s'y cassent la pionte. Ça fait que le Vaudois y répond, là oui, pour la quantité, vous êtes bien partagés. Nous, de ces hornes, on n'en a qu'un, c'est l'Ivorn. Mais je vous en garantis qu'il en vire bas au moins 10 000 par année. Ouais, au moins les années de guerre auront eu ça de bon que le vin aura été buvable. On veut que ça dure. Ah, précisément, monsieur le syndic, je voulais vous en parler. Parce que ça dépend un peu de nous. Mais je vous en garantis que ça dépend de nous. Oui, mais d'une manière un peu différente. Vous m'avez passé ces circulaires. Ça y est. Nous voilà qui va venir nous prétendre qu'on va faire le vin bon avec des circulaires. Non, laisse causer, espèce de barjac, là. On ne sait jamais. Ah, le pire, c'est que c'est vrai. Je ne dis pas qu'on va rendre le vin bon, mais la question est de savoir si on en aura un. Toi, quelle histoire de brigade qui nous raconte là. Est-ce que vous avez beaucoup de sulfate en réserve, caviste? Moi? Pas une brique, pardon. Mais on va déjà en recevoir en temps voulu. Parfait, mais d'où? Diable me brûle si vous n'êtes pas en train de me faire passer une visite. Vous l'avez voulu? Eh bien, moi, je vais vous répondre. On aura du vin si on a du sulfate. On est bien d'accord. Ah, pardieu. Et on aura du sulfate si on a du cuivre. Mais t'as vu ce que la palisse n'aurait pas mieux dit? Et que voulez-vous que j'y fasse? Je suis pas fabricant de cuivre ou quoi? Si, on vous demande de l'être. Et c'est précisément pourquoi je vous parlais de cette circulaire. Oh, oui, cette fameuse récolte des métaux. Tout juste organisée depuis lundi, en corrélation avec la semaine suisse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais organiser ça avec les gamins de l'école. On va passer dans toutes les maisons, et chacun doit y aller de son petit paquet. Du cuivre? Vous croyez qu'on en attend que ça à la maison? Du cuivre, de l'étain, du laiton, du bronze, du plomb, de tout, quoi, sauf le fer. Ah? Et puis c'est pour la vigne, toujours bien. C'est pour l'industrie, c'est pour l'agriculture, et c'est aussi pour la vigne. Non, de sort, ça fait que s'agira de nous mener sa rando, Richard. C'est bien mon intention. Et puis vous faudra ça expliquer aux gens au tout fin, parce que, hein, vous connaissez le monde. On en attend, nous, de ces circulaires et de ce commerce qu'on finirait tout vite par ne pas s'en s'y attarder. Et c'est pour cela que je vous en parle. Et s'il le faut, je vous garantis que je vais moi-même rebouiller dans les galetins ou dans les fonds d'armoire. Mais vous croyez, malgré que ça, que les gens aillent se désintéresser à la prochaine récolte? Mais dites-moi, si vous passez chez la jeune or des Paquis, il va falloir lui demander sa statue. Il a une statue, la jeune or? Oh, superbe. Ah. Tout en bronze et puis du massif que c'est à peine si on te ça soulève d'un bras. J'ai jamais vu. Ouais, c'est qu'il la cache. Parce qu'il n'en est rien à faire. Oh, c'est toute une histoire. Vous vous souvenez qu'il avait été à Paris pour l'exposition, la jeune homme? Avec sa femme? Ouais, il la prenait comme otage, à ce qu'il prétendait. Ça fait que la jeune homme, qui est assez portée sur le joli butin, ou en tout bien tout honneur, bien sûr. Mais enfin, quand il est dans un café, il regarde plutôt la sommelière que le portrait à Louis Ruchonnet. Ça fait qu'à Paris, comme bien vous pensez, il n'en finissait plus de regarder dans toutes les directions, sauf dans celle de sa maman. Oh, ce que dit Aline, il n'y a pas plus doux qu'elle. Pour le caractère, c'est une chatte, cette femme. Mais alors, celui qui l'a dessiné et a fait les contours un peu saccadés, il devait avoir l'autre qui est. Enfin, dans tous les cas, mon ingénieur n'avait pas le temps de se laisser aller au bal du pays. Ce qui fait que quand il s'est âgé de rapporter un souvenir, comme il se doit, il dit à sa femme, écoutez, Aline, puisqu'on est dans une ville artistique, si on achetait une statue, tu es fou qu'elle lui fait. Tu ne vas pas te penser que ces Parisiens vont dégarnir un de leurs carrefours pour te donner un cadeau. Que non, il y répond. Une petite. Il y en a tout plein de magasins qui en vendent. Ça serait joli, on s'en mettrait sur la table de la chambre. Et chaque fois qu'on serait à la maison, ben, ça nous rappellerait les jolis moments qu'on a passés à cette exposition. Vous pensez bien qu'avec Isaline, ça n'est pas allé tout seul. C'est une femme pratique. Avec toutes ces dépenses qu'on a déjà faites par là, et que moi, voilà des 10 ans que je dois donner au cochon dans la même mitre pour économiser sur une neuve. On ne va pas s'acheter des statues, rien de ça. Oui, mais bonne comme elle est, sûrement qu'il a réussi à l'embobiner. Apparemment, il y a, parce que le jour avant de partir, les voilà qui entrent dans un magasin où il y avait plein de statues en vente. Mon ingénieur te regarde du ciel, là, puis te va direct sur une petite statuette qui représentait une femme. La science que c'était, ou les arts, ou enfin Dieu sait quoi. Enfin, un prétexte comme ils en ont pour sculpter des pères nettes un peu trop décolletés. Oh. Ça fait que voilà mon Isaline dans tous ses états. Ah, je non, tu dois choisir entre les moi. Moi, si j'ai cette horreur dans la maison, je m'en vais. Qu'on puisse inventer de se tenir des pareilles impudicités dans une maison bien tenue. Mais Isaline, tu te fâches pour rien, ça n'est pas impudique, ça est artistique. Tu comprends, c'est toute une différence. Ah, vrai, non, je te défends de continuer à tripoter cette engeance. Pose-la sur la table et on s'en va. Mon Dieu, si j'avais ça su que je mariais un homme de mauvaise mœurs, c'est ce pari qui te monte à la tête. Si monsieur le pasteur te voyait en ce moment à Génon, tu n'oserais plus le regarder en face. Isaline, est-ce que oui ou est-ce que non qu'on s'achète une statue? Une statue, si tu veux, à Génon. Quoi que je te le répète, j'aurais préféré une mitre pour les cochons, mais pas une pareille de la vendée. Tiens, là, à l'autre bout du magasin, voilà une qui est très jolie, convenable, et qui ne nous mettra pas sur la langue des gens. Pensez-la et qu'on en finit. Mais Isaline, pas de mec où je te dis, c'est là où je m'en vais. Enfin, que mon ingénieur n'a pas pu repiper, d'autant que dans le magasin, les vendeurs commencent joliment à avoir l'air de s'amuser. Bon, qui fait, faites-moi un paquet avec cette statue et je paye content. Mais qu'est-ce que c'était que cette statuette? C'est là le bord de l'histoire. C'était un busque de l'empereur Napoléon. Oh, il était rien sans fier, la jeune heure, rentrant à la gare avec un empereur sous le bras, qui là, ma foi, bien dû le mettre à la chambre. Seulement, ça était tellement point quand bonjour les allées de la mettre dans un buffet, puis bienvenue connu. Ah, et qu'est-ce qui te l'a raconté, l'histoire? Mais c'est par Dieu la jeune en lui-même, un jour qu'il était en rien brillé. Il n'a pas su se retenir. On riait comme des bossus dans cet écart. Mais le plus joli, c'est que le loyon de la force, il demeure dans la gêne or. Sa statue de Napoléon, c'était au moins une statue équestre. Et la jeune or qui n'est pas plus malin qu'il ne faut qu'il répond. Équestre. Oh, tu sais, coussi-coussa. C'est pas vrai, ça. À propos, c'est une masse de coupes et de gobelets qu'on a dans l'armoire de la société de tir. Est-ce que ça peut se donner à cette collecte? Par Dieu, même quelqu'un est prévu et que l'on va remettre un diplôme à la place. Ça, c'est une rude affaire, alors, parce que même en se mettant à quatre, ils n'arriveront jamais à faire des diplômes aussi poids que les coupes. Va falloir secourir le comité. Oui, ben c'est comme ça que je comprends la vertu, moi. On fait un beau geste et en même temps, on se débarrasse d'objets encombrants. Oh ben, une qui ne va pas être dérangée dans ses habitudes, c'est la grande Léontine. Peignette. Juste. Et pourquoi? Parce que quand il y a des collectes, elle a assez l'habitude de donner un sou jaune. C'est du cuivre ou quoi? Ben, oui. Eh bien, là, vous êtes sûr de votre affaire. Vous aurez votre rondelle de cuivre. Sûr comme si j'y étais. Et au fond, pourquoi est-ce qu'on la nomme Peignette? Oh, c'est un vieux souvenir. Même sans ça, ce serait juste. Parce que Peignette, elle l'est suffisamment. Même qu'on prétendait que se tient toujours de la ouate dans une oreille pour ne pas les user les deux à la fois. Mais le nom vient de ce qu'est un jeune, et il avait une fois été recherché par un gaillard des environs, un dégourdi qui croyait n'avoir peur de rien. Ça fait qu'il est venu, à causer un peu. Naturellement, ce qui l'intéressait, c'était de savoir au juste ce qui en était du bien de la famille. Ça a été à elle, ou à sa tante, ça a été hypothéqué, enfin bref. Mon gaillard rôde par là autour, cause de tout et de rien. Puis chaque fois qu'ils arrivent à causer d'un chat, d'une bête, de tout, quoi. Ils demandaient avec une air innocente. C'est à qui ce chat? À votre tante? Que non, qu'elle y faisait, c'est à moi. Que de fil en aiguille, mon gaillard commençait à faire des projets. Seulement, il est allé un peu fort. Ouais, ça devenait un rien voyant. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, Léontine y fait. Écoutez, monsieur. Pas besoin de me poser la question chaque fois. Chez moi, tout est à moi, jusqu'à la peignette. Naturellement que c'était méfié, ça n'a pas rendu, puis le prétendant à s'en raconter par le village pour se venger. D'où son nom. Santé. Santé. Ah, ça n'empêche que ça fait chagrin de devoir bientôt se séparer de ce 41. Juste comme on commençait à bien s'y habituer, voilà qu'il va falloir se remettre à faire connaissance avec le 42. Oui, que ça fait chagrin. Ça dérange les habitudes. C'est comme ça, quoi. Tout le monde vieillit. Mais ça prouve quand même qu'on est des drôles de gaillards. Une bonne chose comme le vin, on te ça change d'année en année. Tandis qu'un syndic, je connais des villages où on est capable de garder le même pendant des 3-4 législatures. Eh bien, c'est preuve qu'il est d'esprit. Si on veut. Mais ça pourrait aussi être preuve que toute expérience faite, ça ne vaut même pas la peine de changer. Ils se valent tellement tous. C'est bien possible, voici. Du reste, caviste, si tu veux en avoir le cœur net, tu n'as qu'à demander à ta femme. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle y connaît? Oh, ça, j'en sais rien. Mais pour s'être contenté toute sa vie d'une route de ton calibre, mon pauvre ami doit avoir ses raisons. C'est moi qui te le dis. Non, je sais que ça va mal tourner. La prudence commande de lever la tire. Allons-y, mais alors, c'est en ordre avec cette collecte, hein? Vous me pressurez ce village qui ne reste rien d'inutilisé. C'est entendu. Pour une fois qu'on se mettra en branle pour appliquer une circulaire, on va te faire ça au tout mince qu'on voit l'effet que ça fait. Au revoir, Réjean. Allez, Sadek. Bonsoir, messieurs. Et dans 15 jours, à la demeure. Thank you.